studio du Rock for Show. Voilà, nous sommes à nouveau avec vous. Il est 20h passé de 25 minutes en France. Et donc, il doit être combien ? 14h30 donc... Ah oui, c'est vrai qu'il n'y a plus de micro. Je vais couper la parole. Voilà, bon, en tout cas, vous pouvez nous retrouver en direct sur Radio Biz, Radio Canada, et sur Air Radio jusqu'à 21h30. Nous sommes donc à la moitié de l'émission et nous allons retrouver Manu, qui est venu nous parler un petit peu de Bollywood, le clip dont on vient de parler. Et puis surtout, on a trouvé une petite question pour vous, pour gagner deux places, pour aller voir Manu en concert au Petit Bain. Et c'est la semaine prochaine. Jeudi prochain, le 29 septembre. Le 29 septembre. Alors la question, je vais vous la poser, c'est que retrouve-t-on comme motif sur la guitare de Manu ? Voilà. C'est simple, c'est très simple. Hein, vous avez juste à aller un petit peu partout et aller voir ce que l'on peut retrouver. On va parler un petit peu, tu voulais parler du clip, de Toi et Moi. Oui, comme on l'entend, c'était l'occasion de saluer tous les invités du solo de l'infini. Oui, parce que tout le monde a participé à ce solo. Alors, pas tout le monde, mais des gens qu'on a invités partie. Depuis le 2 novembre. Il y a eu un solo différent, enfin, ou une version différente par semaine de cette chanson. Donc vous imaginez un peu le plaisir et l'émotion que ça procure quand on reçoit les versions sur la boîte mail. Il y en a eu combien d'ailleurs ? 40, 50 ? Je ne sais plus, on est à la 44e ou... Ouais. Voilà, je ne sais plus. Il y a eu une petite pause cet été, puis du coup ça reprend un peu... Ouais, ça va reprendre là. Ça continue, donc le concours continue toujours. C'est pas un concours. Enfin, il y a eu un concours en fait, ouvert au grand public, enfin, aux gens, etc. Mais ça c'est fini. Et maintenant, ce qui continue, c'est les invités en fait. C'est les invités. Bon, il y a eu plein de guitaristes qui l'ont fait. Il y a eu même des chanteurs, même des gens qui jouent même pas de la guitare. Il y a Kim par exemple. Je sais pas si les guitaristes totalement Kim. Kim, il fait tous les instruments. Ouais, c'est un métier instrumentiste. Kim qui tourne avec Carmen Maria de la Vega. Ouais, enfin, il y a eu plein de musiciens. On a eu un solo de harpe avec Christophe Saunière qui fait notre première partie avec Johan McIver. Justement, jeudi, c'est un duo cornemuse. Ah, ça, c'est chouette, harpe, ça. Et on va louper ça. Et c'est vrai que ce qui était bien aussi, c'est qu'il y avait vraiment des gens venus de tous les univers. Il y avait des gens de la pop, il y avait des gens du rock, il y avait des gens du métal. Bon, là, évidemment, ça marche super. Faire des solos avec le métal. Donc même s'il y a des groupes qui nous écoutent, n'hésitez pas à nous contacter pour nous faire une petite version. J'ai laissé le fichier. C'est super, il y a le fichier sur le net. Ouais. Sur SoundCloud, Emmanuel Monet, vous avez le fichier en téléchargement libre. Vous pouvez vous amuser et après vous entraîner et après vous envoyer votre surtout solo. Vous faire plaisir. Moi, ce qui m'a fait kiffer, j'ai encore eu Eric Onstetre justement au téléphone l'autre jour parce que malheureusement notre ami Roger Burdi est mort la semaine dernière. C'est un musicien nantais, une figure nantaise importante pour nous. Et Eric me disait, j'ai jamais eu l'occasion de le dire, mais ça m'a fait tellement de... Ouais, ça touche. Un solo fou, un solo hallucinant. Bon, nous, avec Tom, on va faire un solo de congas. Non, un solo s'entraîner. De radio, vous allez parler. Ouais, solo de faire une émission. C'est ce qu'on fait là, en fait. On l'a donc utilisé. Ouais, il y a eu un slam aussi. Donc bon, on sera pas les premiers, hein, mais on fera en sorte. D'accord. Non mais pas là en direct. Hein. On va les laisser. On va pas leur pourrir leur émission quand même. Hein. On va les laisser œuvrer. Tom, super technicien. Non, mais là, t'as enlevé les moufles ou pas ? Non, il a pas enlevé les moufles, donc c'est pour ça. Hein. Voilà. Donc, on parlait tout à l'heure. Donc, il y avait déjà des compos, enfin des bribes de compos qui sont faites et qui vont donner quelque chose, une suite à la vérité. Hein. comment ça va s'articuler? Est-ce que vous allez finir cette tournée comme ça, ou vous allez encore rajouter des dates si jamais il y a des demandes, et planifier l'enregistrement plus le live? Ouais, on joue, mais bon, on joue pas assez. On pourrait jouer tous les jours, nous, hein, donc il n'y a pas de souci. Ouais, enfin, c'était pas du tout métal, hein. La Savès, c'est un groupe qui maintenant est plutôt électro, mais c'était énorme. Mmh. Mais c'est vrai que pour voir beaucoup de concerts, je trouve que quand même, et notamment des gens. Il y a de la place pour Manu. Bah, c'est surtout que ça manque quand même beaucoup de générosité, ça manque de naturel, tout ça. Quoi. D'émotion, de facteur humain. En fait, il tourne tellement que voilà, c'est une espèce de truc. C'est un petit peu devenu une machine, un petit peu, routine, on fait de la musique comme on va à l'usine. Routine, et bon, moi, j'ai qu'un concert par mois, je peux vous dire que je le savoure. Hein. Bon, en tout cas, ne ratez pas le concert parisien pour tous ceux qui veulent. On a déjà des réponses, hein. J'ai vu qu'il y avait quelques SMS. Au 06 81 01 28 34. Donc s'il y en a beaucoup, on fera un tirage au sort. Ne vous inquiétez pas, vous pouvez continuer à jouer et à nous envoyer. On vous rappelle la question: que trouve-t-on, quel est le motif que l'on trouve sur la guitare de Manu? Voilà, c'est... Hein, c'est ça, mon cher Tom. Donc moi, ce que je vous propose, puisque vous êtes venu aussi un petit peu pour ça, puisque c'est le live aussi qui vous motive, hein, pour être face à vos spectateurs, auditeurs et autres, et bien nous, on vous a demandé de préparer deux petits titres, et on va vous laisser les présenter, les jouer en live, en direct live sur Air Radio dans le Rock for Show, puisque ça, on adore ça, hein, donc on vous laisse vous installer, et puis quand vous voulez, hein. Alors on va pas vous applaudir parce qu'on est pas assez nombreux, on est que deux, donc ça... Voilà, mais en tout cas, on va vous laisser. On joue vivre dans la cuisine et le salon de Tom quand même. Donc, ouais, c'est super. C'est vraiment dans son grenier, vous êtes dans son grenier en fait. Oui, hein, voilà. Non, mais je voudrais juste placer aussi que moi, c'est quelque chose que je trouve que maintenant, à chaque fois qu'on fait une émission de radio, on nous dit vous, c'est pas le cas, hein, parce que vous, c'est un concept. Mais souvent, on nous dit et vous pourriez jouer un titre acoustique. Mais c'est pénible quand on a sorti un album en électrique aussi brut et rock'n'roll que ça, que toujours être obligé de le défendre en acoustique. Donc, c'est pas forcément un exercice que j'aime faire, mais dans ces conditions-là, avec les petites tartines et dans la cuisine, j'avoue que c'est plaisant. Disons que on faisait aussi des sessions live électriques. Oui. Ça, on adore ça. Sauf que là, ça devient compliqué. Ça devient de plus en plus compliqué. Oui, ici, c'est absolument pas possible. Non, mais c'est chouette on vient à faire. Le faire avec plaisir, au contraire. Mais c'est vrai que là, l'album... C'est frustrant. Ouais, parce que l'album d'avant de Manu était beaucoup plus intimiste et acoustique. Et celui-là, c'est plutôt... Il est plutôt, on est revenu rock, à quelque chose de rock'n'roll, quoi. Il est beaucoup plus électrique, quoi. Voilà, il faut le mettre très fort, en fait. C'est un disque à écouter très, très fort. Alors, écoutez la session acoustique. Mettez à 11 votre ampli, votre radio, vous la mettez je à 11. Je sais pas. Non, la session acoustique, je sais pas. Mais l'album, en tout cas, voilà, et sur scène aussi, en électrique. L'album s'appelle La Vérité et vous pouvez encore le trouver dans toutes les bonnes crèmeries, hein, dans tout, et puis même au concert. Il est encore disponible sur les concerts, dans les magasins. Tous les magasins. Enfin, les derniers magasins. Oui, qui restent. Parce qu'il n'y a plus beaucoup. Bon, on reparlera de tout ça après, parce que c'est vrai qu'on y a perdu quand même pas mal avec toutes les nouvelles technologies et autres. Et bon, voilà. Il est disponible sur digital en numérique. Hein, mais... Et là, on va vous jouer encore de moi. Extrait de La Vérité. Tu te passes encore de moi. Tu t'en veux, tu n'oublies pas. Tu te passes encore de moi. Tu t'en veux, tu ne souris pas. De l'or. tu sourire encore à mort. Mais qu'est-ce que tu vas faire de moi? J'ai rien à faire des petits pas pour moi, c'est tout noir ou tout blanc. Moi j'aime voir les choses en grand. Ton sourire vaut de content. Chez vous. Nous continuons avec Goodbye. Goodbye qui était et qui est toujours d'ailleurs pour sur le premier album qui est d'ailleurs pratiquement épuisé, le deuxième tirage est épuisé. Enfin, je le dis pour ceux qui le cherchent parce qu'il faut qu'on lance un crowdfunding. non, c'est pas un crowdfunding. Il faut qu'on lance un repressage sur le premier album là et j'ai pas eu le temps en vrai. Ah, t'as vu, ils ont pris les micros, on peut dire ce qu'on veut. Ouais. On reprend en main l'émission. Parce que Phil a les mains prises, il est en train de filmer. Tom, on ne sait pas ce qu'il bidouille avec ce potard, là. Bon. Il y a des fils partout, partout. Bon, comme à la radio, toujours. Ah mince, il a sorti le caron. Un joueur de djembé, au secours. Bon, non, on joue. Goodbye. Je t'envoie de l'air un souvenir. La caresse de nos palmiers perdus. Je t'envoie un sourire plus qu'un malentendu. Et je dis goodbye. Je dis goodbye et les mots me manquent un peu comme toi. Devant moi, les hommes regardent la mer. Et la mer leur souffle des prières. C'est ce sourire que tu n'as pas entendu. Et je dis goodbye. Je dis goodbye. Et les mots me manquent comme toi. Je dis goodbye. Je dis goodbye. Est-ce que les mots respirent encore de ce côté-là? Est-ce que tu es là de ce côté-là? Et si tu étais là? Mais j'ai dit goodbye. J'ai dit goodbye. Est-ce que les mots respirent encore de ce côté? J'ai dit goodbye. J'ai dit goodbye. Est-ce que les mots respirent encore de ce côté? Est-ce que tu es là?